flatte. Ce qui m'épate, c'est qu'elle soit toujours en pente. C'est une route droite, c'est une route plate. Ce qui m'éclate, c'est qu'elle soit toujours en descente. Non, n'ayez pas peur, venez nous, hein. Connais par cœur l'entrée, non. N'ayez pas peur, venez nous, hein. Ce ne sont que des leurres qui nous arrêtent de la vraie lueur. Ce ne sont que des facettes, ce ne sont que des leurres qui nous empêchent de parcourir le nombre de kilomètres qu'il nous reste. Hey, hey, non, n'ayez pas peur, venez nous, hein. Connais par cœur l'entrée, non. N'ayez pas peur, venez nous, hein. Et avec nos courses, avec nos combats, on doit quand même aller jusqu'à là-bas. Il y a des choses auxquelles on doit croire. Mais le bien contre le mal, contre le bien, contre le mal, contre le bien, contre le mal, contre le bien, contre... Ça fait des dégâts. Des dégâts. C'est une route droite, c'est une route plate. Ce qui m'épate, faut voir comment ça climate. C'est une route droite, c'est une route plate. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y en a beaucoup qui la remontent. Non, n'ayez pas peur, venez nous, hein. Connais par cœur l'entrée, non. N'ayez pas peur, venez nous, hein. Ce sont que des leurres qui nous arrêtent de la vraie lueur. Ce ne sont que des facettes, ce ne sont que des leurres qui nous empêchent de la parcourir avec les rêves plein la tête, plein la tête, plein la tête, non. N'ayez pas peur, venez nous, hein. Connais par cœur l'entrée, non. N'ayez pas peur, venez nous, hein. Le bien contre le mal, contre le bien, contre le mal, contre le bien, contre le mal, contre le bien, contre le mal, ça fait des dégâts. Auxquelles l'on doit croire, mais le bien contre le mal, contre le bien contre le mal, contre le mal.